amour. Comme une nuit sans étoiles, serait ma vie privée de toi. Car je t'aime comme l'aveugle aurait aimé recouvrer la vue. Je suis fait pour t'aimer, t'implorer, t'adorer, idole de ma vie. Un beau soir, tu m'as dit, prends mon cœur, je te le donne. Et par réciprocité, je t'abandonne le mien. Et par un simple baiser, nous avons franchi tous les deux le temple d'Aphrodite. Déesse de l'amour, oh que c'est merveilleux. C'est merveilleux.